comme un champignon. Je pousse, je pousse comme un champignon. Gnon, gnon, gnon. Moi je sors de la maison, je fais des bonds comme un ballon. Bouger, bouger, c'est la santé. Moi je mange toutes sortes de fruits, du cru, du cuit, pas trop de biscuits. Manger, manger, c'est la santé. Moi je lave ma frimousse, mon écartrousse, mes